Audiomatique. C'est avec l'artiste autrichienne Soap and Skin et la chanson The Sun que les électronistes ont décidé d'amorcer cette séquence 1-3-7 d'Audiomatique. Vous pouvez retrouver cette pièce sur le premier album de Soap and Skin intitulé Love Tune for Vacuum, paru en 2009. Chaque transmission d'Audiomatique est un moment d'une durée déterminée, soit une heure située à l'intérieur d'une plage horaire les mercredis de 17h à 18h. Mais si les transmissions d'Audiomatique se situent dans une temporalité conventionnée, la durée réelle de chaque transmission d'Audiomatique reste subjective. En effet, la temporalité propre à chaque individu s'oppose à la temporalité conventionnée du fait que le temps prend une dimension subjective en fonction de plusieurs facteurs, notamment le plaisir qu'un individu retire d'une activité qu'il apprécie, comme écouter de la musique. Les moments plaisants passent donc plus rapidement, même dans une temporalité conventionnée. Alors, les électronistes espèrent accélérer votre temporalité subjective de sorte que chaque transmission devienne un condensé de plaisir auditif qui se termine plus rapidement que la temporalité conventionnée ne le dicte par l'insertion de ce moment de plaisir dans une plage horaire fixe. Thank you. La séquence de deux pièces était constituée de deux projets, soit Clark et Come Trues, qui offriront un concert à Montréal ce vendredi sur la scène du théâtre Fairmount. Alors nous entendions en fin de séquence Clark et sa pièce There's a Distance in You, et auparavant c'était Come Trues et la composition Glio de son album Galactic Melt. Audiomatique se poursuit cette fois avec le projet américain Tobacco. You got sick from lolly, lolly, lolly. Il s'agissait à Audiomatic du duo Home Video, originaire de la Nouvelle-Orléans, et la chanson « I Can Make You Feel It » tirée de leur mini-album « It Will Be Okay » et également de leur album « The Automatic Process ». Et pour débuter, nous entendions « Tobacco », le projet solo du leader de Black Moth Super Rainbow, Thomas Feck, avec la chanson « Heavy Makeup » de son deuxième album « Maniac Meat ». Pour enchaîner à Audiomatic, nous vous présentons Christopher Willits. « Cette séquence musicale se terminait à Audiomatic avec Flying Lotus et sa composition And the World Laughs With You, chantée par nul autre que Thom Yorke de Radiohead. Cette pièce est parue sur le troisième album de Flying Lotus, Cosmogramma, lancé en 2010. Avant, c'était le projet King Rock et la pièce Phidias Gold du seul album de King Rock intitulé Chapters. King Rock est en fait le pseudonyme de l'artiste anglais Martin John Dawson, qui est malheureusement décédé le 12 novembre 2012 des suites d'un anévrisme. Et en amorce de séquence, c'était Christopher Willits et la chanson Sunbody que l'on retrouve sur l'album Tiger Flower Circle Sun. La transmission 137 d'Audiomatique se terminera sur la musique d'un artiste qui a offert un concert au Festival international de musique actuelle de Victoriaville jeudi dernier. Il s'agit du saxophoniste montréalais d'origine américaine Colin Stetson qui, dirigeant un orchestre, a livré au public sa réinterprétation de la symphonie numéro 3 du polonais Henryk Górecki. Intitulée aussi Sorrow, cette symphonie a été recomposée par Stetson dans une esthétique post-rock avant-gardiste. De cette œuvre, nous entendrons le troisième et dernier mouvement. Les électronistes vous présenteront la transmission 138 d'Audiomatique mercredi prochain dès 17h en direct du studio de CFOU 89.1 FM. D'ici là, vous pouvez accéder aux choix musicaux des électronistes en tout temps et en tout lieu dans les univers numériques. Il s'agit seulement de nous retrouver sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU. Cela étant dit, voici maintenant Colin Stetson qui nous livre son interprétation de la symphonie numéro 3 de Górecki, de laquelle nous écoutons le troisième mouvement. À la semaine prochaine.